tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « De la plante aux médicaments », une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des cachets que l'on casse en deux, des gélules qu'on avale avec un verre d'eau ou des pilules qu'on a toujours sur soi. Et puis il y a la curiosité de savoir quelles substances les composent et la surprise d'y trouver du saule, des champignons ou du pavot. Alors pour commencer, les personnages. Un pharmacien, un philosophe, un ethnopharmacologue, des guérisseuses, un herboriste, des médecins, des activistes, des lobbies et des chercheurs. Ensuite le décor, une pharmacie, des bocaux bien alignés, des balances, la quête de la plante miraculeuse, des brevets, du pillage, une usine, des huiles essentielles, des plantes tueuses et du calendula. Aujourd'hui, deuxième épisode, on pousse une porte. On vient d'arriver à Voipy, c'est une petite bourgade non loin de Metz, assez sympathique. Et on va visiter la pharmacie rue de l'Église. Une très belle pharmacie avec une œuvre d'art sur la devanture, de la publicité contre le stress, contre les poux, et un magnifique distributeur de préservatifs. De la plante à la molécule de synthèse. Il flotte une petite odeur caractéristique, un mélange d'eucalyptus et de je ne sais quoi en fait. Plein d'étalages colorés et surtout un rayon herboristerie avec aromathérapie, de très jolis bocaux pour contenir les plantes. Ah oui, pour les couches. Parce que je lui ai dit, c'est mieux en pharmacie parce que les autres... Claude Amer, il flotte un petit parfum dans votre pharmacie. Alors, j'ai pas réussi à identifier de quelle plante il s'agit. Vous devez sentir essentiellement tout ce qui est huile essentielle. Essentiellement, on vaporise pour des raisons d'hygiène de l'eucalyptus. Alors là, je vois que vous avez un rayon herboristerie très, très bien achalandé. Oui, on a la chance effectivement d'être une pharmacie qui a beaucoup investi en temps dans les traitements par les plantes, ce qu'on appelle chez nous les médecines globales. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la planète se traite naturellement et non pas chimiquement. Et là, pour la clientèle que vous avez, on est aux alentours de Metz. C'est facile, effectivement, d'introduire les plantes dans l'apport médicamenteux des gens, ou bien vous avez un petit peu du mal à leur suggérer ce type de thérapie? Alors, nous avons des patients qui viennent par réputation, en fait. Donc, ils sont eux-mêmes demandeurs de médecine globale. Non pas forcément en remplacement, mais en complément. On intervient bien dans la prévention des récidives. Notre premier métier est bien sûr l'observance. Nous sommes là pour que les médicaments soient pris. Mais quand on voit qu'il s'agit d'affections récidivantes, qu'il y a trop d'effets indésirables sur ces médicaments, effectivement, nous conseillons en complément des traitements naturels. Il s'agit typiquement des infections urinaires à répétition, par exemple. Là, en tant que pharmacien, nous sommes parfois choqués de voir des traitements qui sont reconduits pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et finalement, pour avoir une récidive au final. Donc c'est là que nous intervenons avec de la phytothérapie. Même on va plutôt préciser de l'aromathérapie qu'on va utiliser en complément du traitement antibiotique pour être certain qu'il n'y ait pas de résistance. Et quelles plantes alors vous préconisez dans ce cas-là? Nous avons la busserole pour la traiter. On a la canneberge aussi. Je crois que c'est vraiment une voie de recherche qui est très intéressante. C'est l'association de l'aromathérapie avec la médecine chimique, les antibiotiques. Et je crois qu'on rejoint le meilleur des deux mondes. Et ça se présente sous quelle forme, l'aromathérapie? Alors, l'aromathérapie, j'en pratique beaucoup. C'est essentiellement par voie percutanée diluée pour des raisons de tolérance. Il n'y a guère qu'en France qu'on a cette tradition de prendre par voie orale. C'est certes possible, sous réserve qu'on ne présente pas effectivement de sensibilité particulière. Ça peut être des problèmes de gastrite, d'œsophagite ou de choses comme cela. Nous avons des formes capsules aussi, par voie orale. Alors moi, percutané, vous me dites ça, je pars en alors, courant. Percutané, c'est tout simplement à travers la peau, excusez-moi. Hein. Et comment on fait alors pour que ça passe alors, à travers la peau? Concrètement, ça traverse très bien la peau parce que ce sont des petites molécules aromatiques. Donc par contre, on n'applique jamais une huile essentielle pure sur la peau, sauf geste d'urgence. Donc on va la diluer dans une huile végétale, voilà, simplement pour faciliter le passage. C'est une application en fait sur la peau. Exactement. Parce que aromathérapie, on pourrait penser qu'on doit respirer des parfums. Oui, c'est une autre voie, effectivement, d'administration des huiles essentielles. Hein. Mais la voie percutanée diluée fonctionne très bien. On pourrait citer les suppositoires aussi. Hein. C'est une autre voie d'administration. Alors là, je vois vraiment votre rayon est très impressionnant. Donc, il y a des formes galéniques très différentes. Donc, la galénique, c'est la manière dont se présente le médicament. Oui, tout alors, à fait. Quelles sont les formes que vous avez? En ce qui concerne, on va parler de plantes. Nous avons donc tout ce qui est tisane, tisane unitaire, qui a fait ses preuves. Hein. C'est dans la tradition populaire. C'est ce que l'on va retrouver dans le casin de 1858, hein, dans le traité des plantes. Nous avons ensuite le broyat de plantes, qui est présenté sous forme de gélule. Encore une fois, c'est une galénique gélule, mais qui n'implique pas que ce soit médicament, ce n'est pas péjoratif en soi. C'est simplement une façon de présenter la plante. Et c'est-à-dire la poudre est mise à l'intérieur d'une petite capsule qui va se dissoudre dans une gélule. Oui, tout à fait. Gélule végétale. Et est-ce que c'est plus efficace comme ça? Alors, c'est très pertinent pour certains principes actifs qui ne sont pas extraits par l'eau. Parce que qui dit tisane va invoquer infusion ou décoction. Là, par contre, on peut faire une extraction hydroalcoolique. Je parle notamment des extraits secs. Hein. Et là, du coup, nous allons avoir ce qui nous importe dans la plante. Mais ça existe effectivement en forme liquide. Ah oui, donc ça c'est très impressionnant, ce diffuseur fontaine d'arômes. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez deux types de diffuseurs que nous proposons ici. Nous avons tout ce qui permet l'aromacologie, c'est-à-dire que l'on va créer une ambiance à base d'huile essentielle. Mais je me garderai bien de mettre en avant des propriétés thérapeutiques, ce que l'on va faire en aromathérapie. Donc là, si vous voulez, on va mettre des huiles essentielles dans de l'eau qui n'est évidemment jamais chauffée. On ne fait jamais chauffer d'huile essentielle, non ? Donc c'est par un mécanisme effectivement de brumisation que l'on va permettre effectivement de diffuser une ambiance agréable à la maison. L'aromathérapie par contre, ce sont des diffuseurs où l'on ne va utiliser que des huiles essentielles pures, de façon très courte dans le temps, on va dire une séquence de 2 fois 10 minutes par jour au maximum. Et là, on va rechercher des propriétés thérapeutiques des huiles essentielles. Parce que ça peut être toxique aussi si on abuse oui, de la durée. Les huiles essentielles sont toxiques. C'est pour ça qu'on ne les utilise que rarement par voie pure. Et surtout, effectivement, il y a un phénomène d'irritation qui peut se produire. D'ailleurs, je tiens à dire que toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées en nébulisation. Regardez chaque fois, effectivement, quelle est la voie d'administration qui est conseillée pour une huile donnée. Voilà, je vous dirai. Allez, à vous. On va regarder peut-être les tisanes qui ont l'air très sympathiques. Par exemple, il y a du coquelicot, ça sert à quoi? Alors le coquelicot, on va l'utiliser sur tout ce qui est toux spasmodique. On est dans une famille de papaveracées. On l'utilise volontiers en association avec d'autres plantes. Elle est plutôt sédative, évidemment. Donc on la préconise le soir. Donc là, on voit du cumin. Alors les gens le prennent en tisane? Alors, pas forcément, effectivement, mais c'est possible également. Hein. Juste à côté, vous avez le cynorhodon, c'est notre vitamine C naturelle. On nous en demande de plus en plus souvent par rapport à l'acide ascorbique. C'est vrai que maintenant, spontanément, au comptoir, il nous arrive de demander est-ce que vous préférez une vitamine C chimique ou naturelle? Voilà, notre patientèle nous permet effectivement de proposer d'emblée ce genre de questions. Et c'est équivalent au niveau vitamine C? Alors, pas nécessairement en termes de quantité, par contre en efficacité, oui, très certainement. Et surtout, il n'y a pas d'énervement, d'excitation comme avec l'acide ascorbique. Hein. Donc on travaille plus, encore une fois, sur du naturel et du fond. Jacques Florentin, quel est le pourcentage actuel de médicaments qui proviennent des plantes aujourd'hui dans notre pharmacopée occidentale? Alors, il faut qu'on différencie un petit peu les médicaments remboursés des médicaments non remboursés. Il y a une vingtaine d'années, on avait à peu près 30% de médicaments à base de plantes. Aujourd'hui, l'administration a préféré rembourser des molécules et donc on a de moins en moins de plantes. Mais il en reste beaucoup dans le domaine des compléments alimentaires ou des médicaments à base de plantes non remboursés. Je pense qu'on a encore une vingtaine de pourcents de ces médicaments-là. Mais on pourrait ajouter, si on réfléchit, on a des médicaments qui sont fabriqués à partir de produits naturels. La plupart des antibiotiques sont produits par des champignons ou par des bactéries et font partie des substances naturelles, bien qu'on ait l'impression qu'ils soient de synthèse. Et puis on a beaucoup de médicaments qui viennent aussi du règne végétal et qui sont transformés par les chimistes. C'est-à-dire que la plante va fournir une molécule, elle va être modifiée, transformée. Et dans le domaine de la cancérologie, 42% des médicaments de chimiothérapie sont au départ d'origine végétale. Alors au départ, ce sont les plantes qui ont donné des molécules sous forme de médicaments, c'est-à-dire qu'on a isolé dans la plante des molécules qui ont donné de grands médicaments. Mais petit à petit, les chimistes ont créé des molécules artificielles en réfléchissant sur la structure, en réfléchissant sur les sites récepteurs et ont élaboré des molécules de synthèse, notamment dans le domaine de l'hypertension, dans le domaine du stress. Donc là, c'est vraiment de l'innovation. Mais pendant un certain nombre d'années, les chimistes ont aussi essayé de copier les molécules naturelles. On a en fait les deux. Ah oui, il faut que je vous apporte. Oui, ok. Ah oui, ça s'abaisse. Il paraît qu'ici, dans cette pharmacie, vous avez un endroit secret pour faire les préparations de plantes. Oui, nous avons effectivement deux préparatoires. Un préparatoire pour tout ce qui est préparation conventionnelle. Tout cela est normé, c'est bonne pratique de fabrication. Et nous avons un second préparatoire pour les plantes. C'est parce que ça demande beaucoup de volume, des conditions, des conservations qui sont un petit peu particulières. On a le droit de le visiter ? Mais bien entendu. Voilà, donc vous pouvez voir ici, on est dans un environnement complètement séparé effectivement de l'ambiance qu'on vient de connaître. Ici sont bien conservées toutes nos plantes, bien archivées avec leurs fiches de contrôle, bien identifiées bien sûr. Ça sent la verveine. Vous avez une très jolie petite balance. Oui, on a des balances même qui sont plus anciennes. Mais voilà, effectivement, c'est pour préparer nos mélanges. Mélanges que l'on fait extemporanément aussi. Nous sommes surpris d'avoir des demandes au comptoir, mais par email aussi, de mélanges de plantes. Alors que l'on valide avec le patient, bien sûr. Et puis on leur prépare, voilà, extemporanément. Donc un patient qui serait allé voir un sorcier par ailleurs, vous allez confirmer que ce mélange n'est pas dangereux. Alors, par exemple le terme de sorcier, certes, il existe, on pourrait en reparler, mais ça peut être des naturopathes ou des traitements traditionnels que les patients retrouvent, des habitudes familiales aussi. J'ai rencontré, ma maman prenait ça, ma grand-mère prenait ça. On réajuste les formules parfois. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines plantes étaient plus toxiques que l'on pensait, donc du coup elles sont passées en liste B. On est dans des choses qui sont, voilà, qui sont vivantes, on apprend tous les jours, et voilà, ce sont des listes qui sont actualisées, on n'hésite pas à intervenir sur ces formules. Et finalement, ça arrive plus fréquemment que ce que vous pensiez ? Oui, très nettement. Oui. Je ne pensais pas, lorsqu'on a débuté comme ça l'herboristerie il y a quelques années, que nous aurions autant de demandes. Vous avez plein de produits pour soigner les bleus, si jamais je m'en fais. Comme je le disais, on est plutôt en prévention. Oui, c'est mieux. Alors, en fait, quand on s'intéresse aux plantes, les savoirs nous viennent de la tradition. Donc, on n'invente pas un usage thérapeutique à une plante. On va regarder comment les anciens ou les tradipraticiens ou comment dans les médecines savantes écrites depuis 2000 ans, cette plante était positionnée et pour quelle indication thérapeutique. Ensuite, on va essayer de vérifier cette indication en faisant des essais sur des cultures cellulaires ou sur l'animal entier, pour voir si oui ou non c'est efficace. Dans 80% des cas, on confirme la tradition, c'est efficace. Donc les traditions sont extrêmement pertinentes sur le choix des indications thérapeutiques. À partir du moment où on a un résultat intéressant avec un extrait complexe, par exemple, on va faire une simple tisane, une infusion. Ensuite, on va enlever l'eau. Il va donc rester une poudre, un extrait, comme du Nescafé, si vous voulez. C'est ça qu'on utilisera, qu'on administrera sous forme de gélule ou qu'on administrera dans l'animal pour vérifier les effets. Après, les chimistes sont toujours curieux et se demandent est-ce qu'il n'y aurait pas une seule molécule isolée qui pourrait reproduire le même effet. Là, dans le domaine de la phytothérapie, c'est non. Dans 90% des cas, quand on essaie de sortir une seule molécule, on a un effet qui est très faible par rapport à un extrait complexe. Donc, dans le domaine des plantes médicinales non toxiques, notre préférence va sur un extrait complexe où on a le maximum d'effet. Et c'est bien une synergie entre différents principes qu'on a pu démontrer sur de nombreuses plantes. Si nous revenons dans les années 70, Bernard Weniger, nous sommes un petit peu à l'apogée de la recherche pharmaceutique, de la chimie de synthèse. On cherche, on croit qu'on va trouver de nouvelles structures. On a une forme, je dirais, d'idéologie qui est ce qu'on appelait the magic bullet. Magic bullet, c'est donc le remède miracle, la balle miracle, la molécule miracle qui va soigner beaucoup de maladies, pas toutes, mais la plupart des maladies pourront être soignées par ce magic bullet. Ça, c'est en fait la conséquence de la découverte des antibiotiques après la guerre qui ont effectivement amené une amélioration considérable au niveau sanitaire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que cette hypothèse ne va pas se révéler aussi brillante qu'on le pensait. Vous dites qu'un nombre considérable de molécules proviennent directement des plantes, ce n'est pas vrai. Indirectement, oui, on peut le dire, mais directement, ce n'est pas vrai, c'est un petit peu plus compliqué. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que le contexte a changé aussi, puisque à l'époque, effectivement, les recherches, les tests pharmacologiques qui existaient étaient relativement peu nombreux, n'étaient pas automatisés. Donc effectivement, le screening, le criblage à partir d'usages traditionnels était plus intéressant que de prendre tout ce qui tombait au hasard dans les mains des ethnobotanistes qui récoltaient des échantillons. Dans les années 90-2000, en réalité, il va y avoir des techniques qui vont se développer, de très nombreux tests pharmacologiques beaucoup plus spécialisés vont se développer, ils vont s'automatiser, ce qu'on appelle le high throughput screening va se mettre en place, c'est-à-dire des moyens qui vont permettre de tester des centaines, voire des milliers de molécules par jour sur des cibles. Et je peux vous dire, juste pour vous donner un exemple, le NCI, le National Cancer Institute aux États-Unis, au début se basait effectivement dans les années 60-70 sur des usages traditionnels. Ensuite, ils se rendaient compte que c'était beaucoup plus facile de tester n'importe quoi. Même si c'était fait en double et en triple, c'était moins cher. Ce qui fait que les ethnobotanistes du NCI, quand ils débarquaient dans un pays, dans les Caraïbes notamment, ils commençaient en fait à prélever des échantillons sur le tarmac de l'aéroport. Et donc vous voyez qu'en fait, le contexte a changé avec les années. Et aussi, il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé. L'ethnopharmacologie a changé. Parce que l'ethnopharmacologie, si je veux prendre la définition de départ des années 60-70, c'était une vision très particulière. C'était l'étude interdisciplinaire des agents biologiquement actifs employés par l'homme. Donc, ce qui était important là-dedans, c'était agents biologiquement actifs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, parce qu'on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Donc, c'était l'agent qui était important et pas l'usage. Et en fait, je pourrais maintenant traduire cette première définition de l'ethnopharmacologie, en fait, par la bioprospection par des gens du Nord, des ressources des pays du Sud. On était vraiment dans une idée de bioprospection, de recherche de la molécule miracle qui se trouvait dans une plante rare employée par un chaman au fond de la forêt. Ce contexte-là a complètement changé. Il a changé aussi pour l'ethnopharmacologie, puisque notre manière de faire de l'ethnopharmacologie était complètement inverse, changement de paradigme total. Nous avons mis l'ethnopharmacologie au service d'un projet de santé publique. Nous ne sommes à aucun moment intéressés à la petite plante rare ou à la molécule qu'elle contenait. Nous nous sommes intéressés au contraire aux remèdes les plus utilisés par les populations, parce que si elles sont très utilisées, il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient actives, parce que les gens sont pas idiots. Et deuxièmement, parce que si elles sont utilisées par beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de diffuser cette utilisation importante par les populations, si en tout cas cette plante se révèle active. Donc vous voyez, nous ne nous sommes plus dans notre projet et dans d'autres projets ethnopharmacologiques, notamment dans ce qu'on appelle les remèdes traditionnels améliorés en Afrique, on s'intéresse plus du tout à la molécule, on s'intéresse pas du tout à la plante rare, on s'intéresse au contraire aux remèdes des populations et on s'intéresse plutôt à valoriser ces remèdes de la manière qui correspond le mieux à l'utilisation qui est faite au niveau traditionnel par ces populations, si je peux dire. Et pour terminer, je dirais aussi l'idée qu'avaient les industriels, les firmes pharmaceutiques, de trouver dans la nature des molécules extrêmement originales, d'ailleurs dans la synthèse chimique aussi, tout ça s'est un petit peu arrêté après l'an 2000, puisque nous avons de moins en moins de structures nouvelles, probablement que les plupart, sauf en biotechnologie, ce qui est tout à fait autre chose. Au niveau des structures chimiques, il y a très peu de nouvelles choses qui sont faites. L'industrie chimique, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle fait ce qu'on appelle des me-too, c'est-à-dire des copies, des similaires de molécules déjà existantes. Et toutes ces techniques sophistiquées qui ont été mises en place en réalité pour screener, pour cribler des milliers d'extraits, ont finalement ramené relativement peu de résultats. Aujourd'hui, on a un système législatif qui est basé sur des systèmes de brevets, la brevetabilité du vivant. Et certaines personnes, justement, se sont inquiétées de cette possibilité de piller les savoirs traditionnels et qu'ils soient ensuite monétisés par des laboratoires pharmaceutiques et que finalement les personnes à l'origine de ces savoirs soient entièrement dépouillées. Effectivement. Si on va chercher des plantes en Amazonie auprès de populations traditionnelles et qu'on décide d'en faire un brevet, on exploite en fait des droits qui n'appartiennent pas à l'industriel. On a eu le cas avec l'Azadirachta indica en Inde, qui est une plante insecticide connue de tous les Indiens, qu'ils utilisent depuis 2000 ans pour protéger les récoltes ou pour traiter les plantes vivrières. Et un jour, une société a breveté cette plante-là en disant « on a trouvé un moyen de protéger le principe actif de la plante qui normalement se dégrade rapidement ». Ça fait un tel tollé dans les associations, même les Indiens eux-mêmes n'avaient jamais imaginé breveter une plante qui pour eux fait partie du savoir commun à toute l'Inde. Et heureusement, ce brevet a été cassé, mais là, on sent effectivement qu'il ne faut pas aller trop loin dans la brevetabilité. Et pour répondre à ces questions-là, eh bien, je crois que la Convention de Rio a énormément progressé dans ce domaine-là. La première Convention de Rio, c'est 1992. Il y avait deux idées majeures dans cette Convention de Rio. La première, c'est de dire que chaque pays est détenteur d'une biodiversité qui lui appartient parce qu'elle pousse sur son territoire et qu'elle doit tout mettre en œuvre pour la protéger et la maintenir. Ça veut donc dire respecter la biodiversité, ne pas faire des exploitations inconsidérées des forêts, des plantes et des arbres. Ça, c'était la première idée. Chaque pays doit tout mettre en œuvre pour la protéger. La deuxième idée, c'était de dire que s'il faut développer certaines plantes dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine génétique, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne doit pas être un pillage à sens unique. Ça doit être un accord entre deux parties. Et le constat, c'est que les pays du Nord maîtrisent très bien la technologie de recherche, et les pays du Sud, c'est eux qui ont la plus grande biodiversité, puisque dans toutes les zones tropicales du monde, on a une biodiversité exceptionnelle dans ces forêts. Et donc l'idée était de trouver des rapports entre le Nord et le Sud, d'une part pour permettre de découvrir de nouveaux médicaments ou de nouvelles propriétés de plantes, et d'autre part de ne pas piller les pays du Sud. Et donc, il y a des conventions qui se mettent en place, à savoir que quand des pays du Nord, que ce soit des entreprises publiques ou privées, veulent travailler dans le Sud, ça se fait avec un accord écrit, soit des universités, soit des communautés, soit un État, un accord qui va préciser dans quelle région on va travailler et qui se fera en partenariat. Et si un jour il y a un brevet qui est déposé, eh bien il y aura des royalties partagées. Alors, dans le texte, c'est bien. Dans la réalité, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on peut assister à plusieurs problèmes. Le premier, si ce sont des pays du Nord ou des entreprises, ou même des entreprises publiques qui signent avec un État et que les communautés locales ne sont pas associées, c'est pas normal non plus. Mais si on va associer une communauté locale, c'est compliqué aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas les outils juridiques pour mener à bien ce contrat. Mais c'est un progrès considérable parce que maintenant, je crois que plus personne ne peut se permettre de faire des enquêtes de terrain ou de récolter des plantes sans passer par un accord bilatéral entre les différentes structures. Alors le risque, c'est que le balancier aille trop loin et qu'on n'arrive plus à faire de terrain et que tout le monde ait des suspicions sur chacun. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Et on espère que le balancier reviendra dans un juste milieu et qu'on puisse associer les savoir-faire technologiques du Nord avec la biodiversité du Sud. Maintenant, dans pas mal de contrats, il y a des sociétés qui ont aussi signé avec des universités en développant la recherche universitaire, en développant les laboratoires publics. Et de ce côté-là, je crois que c'est des côtés très bénéfiques. On a des exemples, Jacques Florentin, de plantes qui, à l'état sauvage, ont des principes actifs très puissants et qui les perdent totalement quand ils sont cultivés dans un autre environnement. Alors, on a quelques exemples, c'est-à-dire que la plante en général, pas toutes, mais certaines plantes vont fabriquer des molécules dans leur structure différemment selon l'écologie, c'est-à-dire selon l'endroit où elles poussent, selon la chaleur, selon aussi la quantité de soleil qu'elles reçoivent. Et dans ces cas-là, on peut avoir des propriétés différentes d'une région à l'autre. Bon, c'est très très bien connu pour toutes les plantes à huile essentielle. On sait que, par exemple, pour le thym, quand on va faire une huile essentielle de thym, bien, on ne parle pas d'huile essentielle de thym. Parce que si ce thym vient de Tunisie, ou du Maroc, ou d'Espagne, ou de Corse, ou de Méditerranée, la composition sera différente. Donc on aura des thyms thymol d'une certaine région, des thyms à linalol dans d'autres. Donc là, on précise effectivement qu'il y a une composition chimique qui varie. Mais ça, c'est peu de plantes. Mais dans la plupart des plantes, en général, on a une certaine constance de principe actif. Mais on a eu le cas récemment avec Artemisia annua. C'est une plante extraordinaire puisque elle vient de Chine. Et c'est une des plantes les plus actives à l'heure actuelle avec l'artémisinine contre le paludisme, contre la malaria. Il faut savoir que depuis des décennies, voire des siècles, on avait le quinquina avec la quinine venue d'Amérique du Sud, qui a fait partie des premiers traitements, mais maintenant on a des résistances très importantes et on est heureux d'avoir trouvé une autre plante. Cette Artemisia annua est cultivée dans beaucoup de zones tempérées du monde par des industriels pour faire donc des médicaments bien dosés en artémisinine pour traiter la malaria, c'est parfait. Comme en Afrique et dans d'autres régions du monde, beaucoup de pays sont confrontés à cette maladie-là avec un manque de médicaments. Certains ont l'idée, effectivement, d'y cultiver de l'Artemisia annua, chinois, dans ces zones tropicales. Or, on s'est aperçu que quand la plante n'est pas dans son biotope favorable, eh bien, la teneur en artémisinine est plus faible. Du coup, ça devient un petit peu gênant parce qu'on est sous-dosé. Ça veut dire que peut-être les traitements seront inefficaces, mais peut-être aussi on pourra favoriser des résistances. Donc ça veut dire que dans le domaine de la culture des plantes médicinales, de développer les médecines traditionnelles et les plantes issues de ces médecines traditionnelles, il faut être prudent à tous les niveaux. D'abord, vérifier l'efficacité, ensuite vérifier la non-toxicité, et ensuite faire appel à des agronomes et des chimistes qui vous diront, voilà, il faut cultiver plutôt telle variété ou dans tel endroit pour avoir une teneur garantie en principe actif. Bon, ça c'est un exemple particulier. Dans 90% des cas, les cultures de plantes qui sont faites ne posent pas de problème. Dans cette histoire de balancier nord-sud, est-ce qu'on a des exemples vraiment de tribus qui ont été dépossédées de leurs plantes sacrées et qui ont dû payer des royalties, ne serait-ce que pour pratiquer leurs coutumes habituelles? Alors, il y a eu un exemple aussi flagrant, c'est l'ayahuasca. C'est vraiment un cocktail de plantes hallucinogènes utilisé par les Amérindiens. Il faut savoir, quand les Amérindiens utilisent des plantes hallucinogènes, ça n'a rien à voir avec la manière dont on pourrait utiliser ces mêmes plantes en dehors d'un contexte traditionnel. Là, ça fait partie d'une culture locale, c'est des pratiques qui se font de manière très occasionnelle, encadrées par un praticien au niveau des doses, un débriefing après au niveau des effets. Ça parfois et souvent un rôle thérapeutique, à condition d'être maîtrisé par la tradition et par les tradipraticiens. C'est une recette de deux plantes dont l'efficacité est extraordinaire, parce que avec ces deux plantes, l'une a un principe actif qui est hallucinogène, et l'autre va empêcher que ce principe actif soit dégradé dans l'estomac et puisse pénétrer au cerveau. Donc c'est extraordinaire d'avoir trouvé que l'association de ces deux plantes lui permette son efficacité. Eh bien, de nombreuses plantes sont utilisées selon les régions, c'est pas que deux plantes, il y en a des dizaines et des dizaines, mais qui ont les mêmes propriétés. Et cette recette traditionnelle n'a bien sûr jamais été brevetée, jusqu'au jour où un laboratoire a eu l'idée saugrenue de déposer un brevet de l'ayahuasca. Alors évidemment, ça n'a pas touché les tradipraticiens d'Amazonie, parce que eux n'avaient aucune royalty à payer à personne, mais sur le principe même, c'était absolument pas éthique. Et là aussi, ce brevet a été cassé par les ONG. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a une très grande vigilance avec les ONG. Avec les réseaux sociaux, l'information circule très vite. Et maintenant, je pense que les grandes sociétés doivent être assez prudentes quand ils marchent un petit peu sur les plates-bandes de la réglementation, parce que le retour de bâton est souvent assez fort. Alors, précisément, Jacques Florentin, on va raconter l'histoire de la stévia. Oui, alors la stévia, c'est une plante qu'on connaît depuis des années parce que utilisée par les Indiens d'Amérique du Sud comme plante sucrante naturelle. J'ai plus les teneurs de son pouvoir sucrant, mais je crois que c'est 1000 à 2000 fois plus fort que le sucre. Donc ce sont les feuilles qui ont un pouvoir sucrant très fort. Et depuis longtemps, on aurait aimé pouvoir disposer, ne serait-ce par exemple qu'en pharmacie, comme édulcorant naturel, de simples feuilles de stévia qu'on pourrait rajouter dans les compotes, dans les fruits, etc., ou dans la cuisine. Et en fait, ce stévia n'est jamais arrivé parce qu'il n'a jamais été autorisé pour entrer en France de manière officielle comme plante médicinale. Alors, on a entendu dire qu'il y a peut-être des problèmes avec le stéviosite, que la toxico a montré des choses gênantes. Bon, puis finalement, cette plante n'est jamais venue. C'était dommage. Et en fait, elle est arrivée officiellement, mais non pas sous forme de plante stévia en vrac, mais le stéviozide a été autorisé à l'importation en France. Et en fait, c'est de grandes sociétés comme Coca-Cola, je crois, qui a demandé l'autorisation de prendre cet édulcorant naturel dans ses boissons. Ce qui est extrêmement intéressant parce que ça crée des débouchés pour la culture de cette plante. Et puis, c'est un édulcorant naturel qui a peut-être pas les effets que pourraient avoir d'autres édulcorants de synthèse. On retourne vers la nature, plante non toxique, etc. Et évidemment, c'était un petit peu embêtant parce qu'on n'avait jamais autorisé la plante stévia, mais qu'on avait tout d'un coup autorisé le stéviozide. Mais vu l'impact et le marché, il a fallu donner l'autorisation. Et je crois que c'est une bonne chose parce que maintenant, ce stéviozide a un statut officiel en Europe. Et là, quand même, Jacques Florentin, on peut évoquer le poids des lobbies, notamment agro-industriels, qui voulaient finalement écouler sur le marché le sucre fabriqué avec nos plantes à nous. Ben oui, là, il y a certainement des influences de lobby au niveau des commissions, d'administration, que ce soit au niveau de l'Europe ou de la France ou d'autres pays, qui ne souhaitaient pas avoir un concurrent, soit vis-à-vis des sucres naturels, soit vis-à-vis des édulcorants de synthèse qu'on avait déjà sur le marché. Mais ce lobby-là, en face d'un autre lobby, type Coca-Cola, je crois que ça finit par se faire. C'est une arme, lobby contre lobby, ouais. On a des chances de l'emporter. Derrière le système du brevet, il y a un système de justification commerciale particulier qui fait que l'industrie pharmaceutique repose sur un système de monopole. Quentin Ravelli. De rente financière qui permet de fixer les prix de façon parfois incroyable, parfois des dizaines de milliers de dollars pour des médicaments contre le cancer, par exemple. Et ces prix soient fixés, comme c'est le cas en France, par le CEPS, Comité économique des produits de santé, ou que les prix du marché soient libres comme aux États-Unis. Donc là, que l'État intervienne beaucoup ou qu'il intervienne peu, ça change rien à l'affaire. On a des prix extrêmement élevés. Donc c'est pas simplement les brevets, c'est toute l'argumentation et la machine politico-financière qui va derrière, qu'il faut aborder quand on parle des brevets. Mais on peut vraiment se poser la question de la validité de ces arguments. Pourquoi ? Parce que, en fait, pendant plus d'un siècle, de 1844 aux années 60, les médicaments ont été explicitement exclus du droit des brevets. L'argument était inverse. C'est de la santé publique, on ne voit pas pourquoi ça devrait être privatisé. Or, c'est pendant les années 50 et la seconde moitié des années 40 et après la suite, les débuts des années 60, qu'on a découvert le plus d'anti-infectieux. Donc tous les antibiotiques qui ont changé vraiment la face de la médecine moderne ont été découverts dans une période où en fait la question des brevets n'était pas essentielle. L'autre argument, c'est quand même celui de l'origine réelle des découvertes. L'argument des laboratoires, c'est de dire les profits d'aujourd'hui sont les médicaments de demain. Le problème, c'est que c'est souvent des start-up qui ne sont pas l'industrie pharmaceutique, mais des entreprises de biotechnologie de plus petite taille, avec des façons d'innover différentes, avec de nombreux partenariats avec des laboratoires du public, notamment le CNRS, qui trouvent les dites molécules. L'industrie pharmaceutique intervient souvent pour le développement industriel, une fois que la molécule est trouvée. Troisième argument, s'il en faut un autre, c'est la question des MeToo, des médicaments qu'on appelle moi aussi, et qui sont en fait des améliorations de médicaments qui existent déjà, et qu'on va présenter d'une autre façon. Donc là, le marketing intervient en première ligne, puisqu'il s'agit de montrer que telle molécule déjà sur le marché va être plus intéressante dans telle ou telle indication. Et on va modifier comme ça, encore une fois, la valeur d'usage en brevetant une molécule qui était déjà brevetée, mais pour une autre indication. Donc voilà, le système des brevets, c'est vraiment un enjeu crucial, mondial par ailleurs. Hein. Il y a eu au début des années 2000 ce qu'on appelle le procès du Cap. C'était l'époque où les laboratoires pharmaceutiques combattaient des pays entiers comme l'Afrique du Sud et le Brésil pour les empêcher de faire des médicaments à prix coûtant pour leurs patients. Donc ça se solde, en fin de compte, par des centaines de milliers de morts qu'on pourrait éviter. Pourquoi ça fait des morts ? Parce que ça devient inaccessible financièrement pour des millions de personnes de se traiter correctement. Donc quand on parle de démocratie médicale ou démocratie sanitaire, il faudrait se poser la question de la démocratie économique du médicament à différents échelons. Et se demander pourquoi est-ce que fait pas partie de l'idée de démocratie médicale le prix flotte dans l'air l'idée d'une nationalisation de l'industrie pharmaceutique. Ça revient régulièrement à chaque scandale, finalement. La question, elle se pose de savoir comment est-ce qu'on contrôle publiquement l'ensemble de la chaîne, les coûts de fabrication y compris, et pas simplement quelques informations sur les essais cliniques. La consommation des génériques, aujourd'hui, on en est où alors ? Alors, le générique, lorsque c'est arrivé, nous devions avoir une liberté, c'est-à-dire ne pas imposer. Nos difficultés, je n'hésite pas à évoquer le conflit, sont arrivées à partir du moment où on a imposé aux gens. On va avoir ce même mouvement de quasi-révolte par rapport au vaccin, c'est absolument certain. On a récemment ce problème-là aussi avec le Lévothyrox. Le Lévothyrox, on a le plus grand mal possible maintenant à dire que c'est une amélioration du produit. Et pourtant, c'est bien le cas. C'est ce qui a été voulu par nos instances, par la NSM, par la FDA aux États-Unis. Et quand on voit ce qui s'est passé, on est au contraire de ce que l'on attendait. Et comment vous expliquez ce phénomène de résistance des malades vis-à-vis des génériques ? Alors, en ce qui concerne les Lévothyrox, parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, les Lévothyrox, toujours actuellement, n'est toujours pas dans l'obligation d'être substitué. On s'est rendu compte très vite que le Lévothyrox, la lévothyroxine, était une molécule très sensible, qu'elle interagissait avec les aliments, voilà pourquoi il faut la prendre à jeun, mais aussi avec les excipients. Et donc, du coup, ce changement d'excipient qui vise à améliorer la stabilité de la molécule dans le temps, améliorer aussi les risques de variabilité d'un lot à l'autre. On a remplacé le lactose par le mannitol, comme tout le monde sait, mais ça suffit à déstabiliser nombre de patients. Donc moi, en tant que pharmacien, je n'ai pas compris pourquoi on ne nous a pas imposé le générique parce qu'on savait qu'il y avait un problème en changeant de marque. Et brutalement, le fabricant, là, change de composition et on se retrouve dans la situation actuelle. Voilà. Que ce soit pour les génériques ou les grandes marques, on sait que les laboratoires pharmaceutiques déploient des trésors d'imagination effectivement pour augmenter leurs ventes et ont des stratégies marketing très au point. Alors il y a un des points particuliers qui concerne le conditionnement des médicaments. Je donne un exemple, si on a un traitement antibiotique à suivre, par exemple on doit prendre 3 comprimés par jour pendant 5 jours, c'est vraiment la posologie pour tel antibiotique, et il va être conditionné de telle manière qu'on va être obligé d'en acheter 10 comprimés de trop dont on ne pourra rien faire ensuite, qui vont traîner dans les armoires à pharmacie. Donc c'est en suivi une réflexion sur la vente du médicament à l'unité, et notamment c'est adopté dans les pays scandinaves. Alors quel est votre avis sur cette question, Claude? Alors sur ce déconditionnement, nous pratiquons déjà, comme je vous le disais, ce qu'on appelle la PDA, préparation de doses à administrer. Nous le faisons sur prescription, sur des personnes qui sont en état de dépendance. Maintenant, en ce qui concerne le... Donc pour bien comprendre, ça veut dire que vous préparez les médicaments à l'unité déjà pour certaines et personnes. Et on remet en pilulier. Ce sont pour les personnes qui n'arrivent plus à suivre leur traitement. Il existe même maintenant, à l'heure actuelle, des pilules électroniques et la famille ou nous-mêmes sommes avertis lorsqu'il y a un défaut de prise ou que le patient s'est trompé de prise. Donc on peut vraiment faire un suivi. Il ne faut pas oublier que la population va vieillir dans nos pays. Et donc c'est très important de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible, mais tout en gardant tout le monde en sécurité. Et il n'y a rien de plus important que le médicament à ce niveau-là. Hein ? Voilà. Après, pour la population moyenne, la vente à l'unité, justement, elle nous voit à l'ordre du jour. Alors, la vente à l'unité, elle paraît logique. Je suis le premier à la défendre. Néanmoins, je mets quelques bémols. Le premier, c'est qu'il existe déjà sur certaines classes antibiotiques différentes tailles de conditionnement. Je pense à l'amoxicilline, à la clarithromycine, bon, deux antibiotiques largement utilisés. On peut vraiment délivrer jusqu'au dernier comprimé, juste la quantité nécessaire. Voilà, donc c'est faisable techniquement. Le deuxième problème que je vois, c'est qu'on va du coup enlever ce qu'on appelle le conditionnement secondaire, c'est-à-dire la boîte. Cette boîte est très informative pour le patient, elle assure la traçabilité, elle permet aussi au patient de bien repérer son médicament, elle contient la notice. Elle a aussi pour objet de protéger ce qu'on appelle le conditionnement primaire, c'est-à-dire ce qui vraiment assure la sécurité du médicament. Voilà. Donc il n'y a plus de protection contre les chocs, contre la température. Donc vous pouvez avoir des comprimés qui sont cassés, d'autres comprimés qui sont photosensibles, qui sont altérés par la lumière. Donc voilà, cet emballage me paraît important. Donc en ce qui me concerne, je dirais que je suis complètement favorable, mais il faudrait effectivement que les industriels nous mettent à disposition des notices supplémentaires et des conditionnements supplémentaires pour remettre dans des boîtes les comprimés. Ou alors tout de suite faire des dosages qui sont adaptés aux posologies en usage. Exactement, ou préparer industriellement directement des boîtes qui sont adaptées au traitement. Ce n'est toujours pas le cas, même sur les traitements chroniques. Nous avons des conditionnements à 40 comprimés, à 50 comprimés, et tout le monde nous demande « mais pourquoi ?» Et en été, nous avons encore des conditionnements à 28. Vous imaginez bien que 2 fois 31 jours, tout le monde est décalé dans ses traitements. C'est contraire à l'observance, puisque certains vont jusqu'à arrêter le traitement le dimanche pour rattraper les doses qu'ils n'ont pas pu prendre. Donc voilà, ce n'est pas logique. Tout à 30 comprimés sur les traitements chroniques. Et pourquoi ils font ça alors ? Alors pourquoi ce n'est pas imposé ? Pourquoi tout n'est pas imposé à 30 ? Ce serait beaucoup plus simple. Vieille histoire du médecin et du pharmacien. Le pharmacien va s'adresser à nous en nous disant « Mais vous savez, j'ai le générique. Pourquoi vous ne prenez pas plutôt le générique ?» Derrière l'acte anodin de la prise de médicaments, il y a une série de choix. Quand je dis « c'est pas un acte anodin », je jouerai presque sur les mots, puisque un anodin, ça a été pendant longtemps un médicament qui était justement appelé l'anodin. Mais c'est pas anodin, justement. C'est jamais anodin, quel qu'il soit. Qu'est-ce qui soignait l'anodin, Gilles Baron ? Alors, les anodins, c'était des médicaments génériques qui, en fait, pour vous le dire très franchement, c'était la plupart du temps quand même des sortes de placebo. Alors on trouve ce terme jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, bien sûr, ça dépend beaucoup de la relation entre le médecin et le patient. Le paternalisme médical, il existe, il a toujours existé, je pense qu'il est toujours là. Il y a aussi donc le problème de distinguer entre le paternalisme et l'autorité. Par exemple, est-ce que le médecin a le droit d'intervenir sur le régime de vie du patient ? La médecine a été longtemps la médecine triomphante, la médecine scientifique, issue de la révolution scientifique de Claude Bernard, des grands hôpitaux, de la machine hôpital, comme disait Michel Foucault et d'autres. L'idée qu'il y a une grande industrie, une grande machine qui va soigner, conjuguant la chimie, l'électronique, toutes les matières les plus récentes, pour pouvoir venir à bout des grandes maladies, etc., etc. Cette médecine scientifique rayonnante a connu des remises en cause, et notamment l'idée qu'elle était un peu inhumaine, souvent, et puis une méfiance envers justement tout ce qui est produit, dont la série de transformations par rapport à l'élément naturel est suffisamment importante pour qu'il y ait un divorce véritablement sensible avec l'origine naturelle même, avec la nature, avec la marche de la nature, et le retour par exemple à quelque chose de plus naturel anime souvent la critique actuelle de la médecine, en disant il faut revenir à des choses plus naturelles, et cette critique elle est liée évidemment au monde dans lequel nous vivons. Puis donc par Saint-Julien c'est bien, et après on le voit, toi, en passant. Oui. Nous allons au laboratoire Lénine, qui est situé un petit peu en dehors de Metz, à Sainte-Barbe, donc il y a à peu près 20 minutes de route. On va voir toute l'activité du laboratoire, c'est-à-dire de la matière première, les plans, Julien Franquin, jusqu'à la transformation sur les formes solides, tout ce qui est comprimé, granulés, gélules, les formes liquides, solutions buvables en gouttes, jusqu'à la préparation de commandes et l'expédition de nos produits qui part dans une vingtaine de pays dans le monde. Et également, un groupe va commencer avec le laboratoire de contrôle qualité, parce qu'il faut savoir que toutes les matières entrant sur le site et tous les produits qui sont fabriqués passent par un certain nombre d'analyses qualité, et on va vous expliquer un peu ce process. Le cœur de notre process, c'est la transformation des plantes. Donc, vous le voyez sur le panneau qui est derrière ici. Donc les teintures mères qui sont un mélange hydroalcoolique de plantes. Donc on utilise environ 700 principes actifs au sein des laboratoires Lénine, essentiellement des plantes, mais également quelques souches organiques, des minéraux ou autres. Ces plantes, elles sont à 95% des plantes fraîches issues de la région. On a un partenariat notamment avec un cueilleur à côté de l'aéroport Metz-Nancy. Pourquoi ces plantes fraîches ? Parce que c'est ce qui est décrit à la pharmacopée française et européenne. Et on garantit dans notre charte avec nos fournisseurs, parce que ces plantes, ce n'est pas nous qui les cultivons directement. On a des fournisseurs, des cultivateurs, des cueilleurs. Par exemple, l'arnica montana des Vosges est cueillie en milieu naturel sur les montagnes des Vosges à une période bien particulière de l'année. Première étape du process, ça va être le broyage de la plante. Broyage de la plante, c'est-à-dire rendre la plante en fines particules, environ 5 mm, telle qu'elle est décrite dans la pharmacopée européenne ou française. Cette pharmacopée, elle nous indique également quelle est la partie de plante qui est utilisée. Donc on va voir, des fois il y a la plante entière, donc de la racine jusqu'à la fleur. Des fois c'est seulement la fleur, seulement l'écorce d'un arbre, seulement des feuilles, seulement des tiges, etc. Donc tout ça, c'est ce qui est décrit dans la pharmacopée. Donc on a reçu ce matin du Calendula officinalis, que vous allez reconnaître assez facilement. Donc là on est en fin de saison, on a déjà eu plusieurs arrivages en termes de l'eau. C'est une fleur orange, très jolie. C'est une fleur orangée, ouais, c'est tout à fait, voilà. Donc on le reçoit sous ce format-là, donc on le reçoit, on voit même derrière, sous forme de cagette ou dans des sacs en toile de jute comme on voit ici, etc. Et nous, donc en termes industriels, on utilise ce broyeur, qui est un broyeur industriel, pour justement pulvériser cette plante et avoir au final cette plante qui soit réduite sous ce format-là. Donc on va broyer, donc là on pèse, Et ainsi, on a vraiment la plante broyée prête à être macérée, qui est la seconde étape de notre process de fabrication. J'ai quelques questions. Oui. Ce sont des plantes qui sont cultivées ou juste sauvages, mais juste cueillies ? Il y a les deux. Tout dépend de la plante. Des fois, elle est cultivée, des fois, elle est sauvage. Ça dépend vraiment des plantes. Ouais. Cette phase de mouillage, c'est la macération. Donc, on va macérer cette plante pendant... Donc là, par exemple, c'est du ginkgo biloba. Je ne vais pas être trop au-dessus de la cuve pour éviter toute contamination. Et voilà, là, on a du ginkgo biloba qui va macérer pendant quelques semaines. Donc là, c'est en fonction des plantes. On définit si ça va être 2, 3, 4, 5, 6 semaines de macération. Donc la macération, c'est la plante qui macère dans l'eau et l'alcool. Lors de la première semaine, on procède à un mélange. En fonction de la densité de la plante ou de la partie de la plante, soit la plante va plonger complètement et la partie solide de la plante va se trouver au fond de la cuve et toute la partie liquide... Il y a toutes sortes de dossiers de produits non médicamenteux Bruno Toussaint. À base de plantes qui sont en fait... composés d'autres choses que ce qu'on croit comme plantes et qui sont très dangereux. Et par exemple, il y avait les plantes chinoises pour maigrir qui ont provoqué des insuffisances rénales, des morts par cancer du rein. Enfin, il y a énormément de dossiers où on voit que, où on vérifie que malheureusement, le fait que les produits de santé autres que les médicaments étant soumis à une réglementation encore moins exigeante et une surveillance encore plus lâche peuvent provoquer aussi des désastres sanitaires. Dans le domaine des produits de santé, malgré tous les défauts du système de l'autorisation de mise sur le marché et tous les défauts, toutes les faiblesses de la pharmacovigilance, c'est quand même très important de savoir que le médicament est le produit de santé le mieux évalué et le mieux surveillé, ou le moins mal évalué et le moins mal surveillé. Mais tout ce qui concerne les dispositifs médicaux est encore de bien plus mauvaise qualité, que ce soit en termes d'exigence d'évaluation et de surveillance des effets nocifs. Tout ça pour dire qu'il faut bien sûr faire très attention avec les médicaments, qui ont souvent une marge étroite entre ce qui est utile et ce qui est néfaste. L'équilibre est souvent délicat. Mais beaucoup de dispositifs, beaucoup de produits à base de plantes, par exemple, qui n'ont pas le statut de médicament, sont encore beaucoup moins bien évalués et peuvent être fort dangereux pour autant. Vous savez, il y a ce Pierre Chirac, cette espèce de boutade qui dit quand on soigne un rhume, il dure une semaine et si on ne soigne pas, il dure 7 jours. Voilà, il y a beaucoup de petits mots comme ça de la vie quotidienne qui sont de cet ordre-là. Et donc là, ni allopathie, ni homéopathie, c'est clair. Éventuellement, on se débouche le nez en respirant de l'eau agrémentée d'un certain nombre de plantes pour déboucher le nez. Mais bon, il y a beaucoup de petits mots comme ça où... en fait, il faut essayer de penser à autre chose et attendre que ça se passe. Il n'y a pas une réponse médicamenteuse à tout. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'allopathie que l'homéopathie. Enfin, je me sens mieux, je vais revoir les cieux, loin de Paris, car au milieu des roseaux, nageant dans de nos roquets divins voyages, me voilà tout trempé, à peine ranimé, et qui plus est fort enrhumé. C'était De la plante à la molécule de synthèse avec Claude Amer et Bernard Weniger, pharmaciens, Bruno Toussaint et Pierre Chirac de la revue Prescrire, Quentin Ravelli, auteur de La stratégie de la bactérie aux éditions du Seuil, Jacques Florentin, ethnopharmacologue, Gilles Barou, philosophe, et la visite de l'usine Lening avec Julien Franquin. Prise de son, Yann Frécy, Philippe Etienne, mixage Alain Joubert, réalisation Anna Schmuck, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au laboratoire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.